À l'occasion du cinquième anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les personnalités de divers pays ont visité les ambassades coréennes dans leur pays. Les personnalités de différents milieux ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs et les couronnes mortuaires devant les tableaux de peinture figurant le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il avant de rendre hommage. Ce sont le directeur adjoint chargé des affaires internationales du Parti islamique uni iranien et sa suite, le commandant en chef adjoint et directeur du département de renseignement, le chef du département protocolaire et des relations extérieures de l'armée iranienne, le directeur de la ferme agricole et d'élevage Marsal d'amitié Iran-Corée, le député de la Chambre basse et président du groupe des députés de l'Assemblée pour la province de Haibo Pakhtunkhwa du Pakistan, le président du cercle d'études du Jutsu du Pakistan, le secrétaire général de la filiale pakistanaise de l'Association de coordination des droits des femmes du mouvement des femmes du monde, le président et les membres de la direction du Parti du Front populaire d'Égypte, l'attaché militaire de la défense nationale de l'ambassade syrienne, l'attaché militaire des armées navales et aériennes de l'ambassade pakistanaise, l'attaché militaire de la défense nationale de l'ambassade algérienne et l'attaché militaire adjoint de l'ambassade azerbaïdjanaise en Iran.